بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة bienvenue chers frères في هذا المجلس. On continue donc l'explication de أصول الإيمان, les fondements de la foi, de l'auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala. Et donc le hadith numéro 107, Ali ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم. Et donc l'auteur qui nous dit selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucun prophète qu'Allah ta'ala a envoyé dans une communauté avant moi sans qu'il n'y ait dans sa communauté des apôtres et des compagnons. Le terme apôtre, donc, si on regarde dans le dictionnaire, le terme apôtre est défini comme ceux qui vont prêcher la chrétienté. Mais il est aussi cité dans le dictionnaire concernant le terme apôtre, donc ceux qui vont secourir une doctrine quelconque, une croyance, peu importe qu'elle soit chrétienne ou autre. Et donc là, ça correspond au terme Hawariyun. Et donc, il n'y a aucun prophète qui a été envoyé dans une communauté sans qu'il ait dans cette communauté des apôtres et des compagnons. Ya'khuduna bi sunnatihi. Ils vont prendre de sa sunna. Ils vont apprendre de sa sunna. Et ils vont suivre ses ordres. Puis après cela, il viendra après eux khuloufun. El khulouf, c'est le pluriel de khalf. On a khalef en arabe et on a khul, et on a donc khalf avec une soukoun au milieu. Khalfun, donc tout ce qui vient après quelque chose. Comme on a le terme salaf et khalef. Salaf, donc ceux qui sont venus avant, c'est pour ça qu'on parle des pieux prédécesseurs, as-salaf ou salih, donc les pieux prédécesseurs, ceux qui sont venus avant, et on a le khalaf, ceux qui viennent après eux, ceux qui les suivent. Le terme khalf, avec une soukoun sur le lam, il définit ce qui est mauvais et qui vient après. Par exemple, un enfant, si une personne enfante engendre un enfant qui par la suite n'est pas pieux, un enfant qui fait des péchés, la perversion après la perversion ou autre, alors on dira en arabe, on dira khalfun. D'accord ? En arabe, on dira khalfun. Et donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est venu après son père, mais que lui, il est mauvais. Il n'a pas suivi la bonne voie. Et c'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Alors après eux, il y a خَلْفٌ. Il y a donc un groupe qui sont venus après eux. Comment ils sont ce groupe? أَضَاعُوا الصَّلَاةِ. Ils ont délaissé la prière. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Et ils ont suivi les passions. Et donc خَلْفٌ, ça définit donc ceux qui sont mauvais, qui n'ont pas suivi la bonne voie. Ils viennent après, mais ils n'ont pas suivi la bonne voie. Et donc il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, donc il cite donc que chaque prophète est venu avec des apôtres, des compagnons, et après eux, Il vient donc des gens qui diront ce qu'ils ne font pas et qui feront ce qui ne leur est pas ordonné. Et donc viendront après eux des gens qui diront ce qu'ils ne font pas et qui feront ce qui ne leur est pas ordonné, ce qui ne leur a pas été demandé de faire. Alors celui qui les combat par la main, c'est un croyant. Celui qui les combat par la langue, c'est un croyant. Celui qui les combat par son cœur, c'est un croyant. Ici, attention, il n'est pas voulu ici le fait que il n'y a la personne qui n'a pas fait cela n'est pas, donc n'a pas la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre ceci est la foi. Voilà la foi. Voilà les limites de la foi. C'est comme le hadith où il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Le fornicateur, quand il fornique, il n'est pas croyant. Le fornicateur, pendant qu'il fornique, il n'est pas croyant. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman. Mais ça veut dire qu'il a une foi qui est basse. Parce que si réellement il croit en Allah et au jour dernier, ta foi, elle t'empêche de faire cet acte, elle t'empêche de faire cette fornication. Mais à ce moment, ta foi, elle est basse. Et donc, tu vas tomber dans ce péché. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas du tout la foi. Et donc, ce hadith, oh cher frère, fi hadha al-hadith, fadlu as-sahaba. Il y a dans ce hadith les mérites des compagnons. Les mérites des compagnons. Et certes, chaque prophète, kullu nabiyyin ja'a wa ma'ahu ansar. Et donc, chaque prophète est venu avec lui des gens qui le secourent. C'est ça, al-hawariyun wa al-ashab. C'est ça, donc, les apôtres et les compagnons, ce sont ceux qui vont secourir ce prophète. Wa ha'ula humul ladhina akhadhu anhu al-ilm. Et ces gens-là, ces compagnons, c'est eux qui ont pris la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on est dans quel chapitre? On est dans quel chapitre? L'incitation à l'apprentissage de la science. L'incitation à l'apprentissage de la science. Il nous cite ce hadith, l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Et c'est comme s'il nous montre, هَؤُلَا هُمُ الَّذِينَ أَخَذُوا عَنِ النَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, si tu prends l'ilm, fais attention à ce que le ilm que tu prennes soit conforme à ce sur quoi eux ils étaient. Et donc, tatloubul ilm. Mimmen, t'apprends la science, mais de qui j'apprends la science? Est-ce que toute personne qui vient avec un livre et qui nous parle de religion va l'écouter? De qui j'apprends la science? Eh bien, il nous montre l'imam ici que alayka an tahdhar, tu dois faire attention. Pourquoi? Parce que ha'oula as-sahaba akhadhu min sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ces compagnons-là, ils ont pris de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kadhalika kanu yaqsaduna bihi, et ils le suivaient. Ils l'ont suivi. Et c'est pour cela que toi, si aujourd'hui tu veux suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alayka an tasira khalfa ha'ula as-sahaba. Si tu veux suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois suivre ses compagnons-là. Tu dois les suivre. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait leurs éloges dans son livre. Faqad dhakara Allah tabaraka wa ta'ala annahu radiya anhum. Allah a cité qu'il est satisfait d'eux. Fa in kunta turidu ridwana rabbik fasluk maslakahum. Et donc si tu veux l'agrément, la satisfaction de ton Seigneur, alors suis la voie de ces gens-là, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nasi qarni, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, thumma alladhina yalunahum, puis ceux qui les suivent, thumma alladhina yalunahum, puis ceux qui les suivent. Et donc, il y a dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. Après ces gens-là, donc après les compagnons, il y a des gens qui viendront. Après eux, après ces premières générations, il y aura des gens qui viendront. Et ces gens-là, ils diront ce qu'ils ne font pas. Ça vous rappelle qui ça? Ils diront ce qu'ils ne font pas. Al-Munafiqoun. Le munafiq, lorsqu'il dit « Ashhadu an la ilaha illallah », il dit « Ashhadu an la ilaha illallah ». Mais est-ce que dans son cœur, il le fait? Non. Il dit « Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Il dit « J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah ». Mais est-ce que réellement il l'atteste? Non. C'est ça le nifaq, c'est ça l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est le fait de dire quelque chose que tu ne fais pas. Le fait de montrer quelque chose qui est faux, qui n'est pas conforme à ce que tu as en toi à l'intérieur. Et c'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité, il a blâmé cela. Tabaraka wa ta'ala, il nous dit « Et'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ?» Est-ce que vous ordonnez aux gens le bien et vous oubliez vos propres personnes? Ça, c'est grave. Des gens de science qui vont ordonner le bien et qui ne le font pas. Rappelez-vous le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam cet homme qui est au milieu de l'enfer, il est châtié. Alors les gens de l'enfer lui disent Ya hadha, alasta anta kunta tanhana an al munkar wa ta'muruna bil ma'ruf. Les gens de l'enfer, ils lui diront, ce n'est pas toi qui nous interdisais le mal et qui nous ordonnais le bien. Il dira Naam, oui. Kuntu anhaakum anil munkar wa ati. Je vous ordonnais, je vous interdisais le mal et je le faisais. Wa amurukum bil khayri wa la ati. Et je vous ordonnais le bien mais je ne le faisais pas. Voilà pourquoi Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a une très belle parole. Il dit Ibn al-Qayyim, inna ulama as-su yak'uduna 'ala an-nar. يدعون الناس إلى النار بأفعالهم ويدعونهم إلى الجنة بأقوالهم. Certes, les savants du mal, ils s'assiedent sur le feu et ils appellent les gens au feu avec leurs actions. C'est-à-dire qu'ils ont des actions des gens du feu, le mensonge, etc. Ils appellent aux gens au feu avec leurs actions. Et ils les appellent au paradis de par leurs paroles. Lorsqu'ils vont dire aux gens, tu dois bien te comporter, tu ne dois pas mentir, etc. Et donc par sa parole, il appelle les gens au paradis. Mais lorsque tu regardes ses actes, ses agissements, il appelle les gens au feu. Et ça, ça s'appelle ulama as-su, les savants du mal. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. Pourquoi est-ce que vous dites ce que vous ne faites pas? كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَكُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. Quelle mauvaise chose, quelle chose blâmable et détestable pour Allah que le fait de dire ce que vous ne faites pas. Et la pire de ces choses, c'est le fait de dire qu'ils suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, qu'en réalité, ils appellent les gens aux innovations. Et il nous dit sallallahu alayhi wa sallam concernant ces gens qui viennent après. Il nous dit يَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ. Ils font ce qui ne leur est pas demandé de faire. C'est quoi ça? Ils font ce qui ne leur est pas demandé de faire. Al-bida. Et donc, ces gens-là, ils vont dire ce qu'ils ne font pas. On suit la sunna. Et derrière, ils font ce qu'il ne leur est pas demandé de faire. Est-ce que il vous est demandé dans la sunna, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il vous est demandé de faire des groupes politiques et d'appeler les gens à adorer Allah azza wa jal par ces groupes politiques, etc. Non. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Est-ce que dans la sunna, il vous est demander d'égorger pour Sidi Foulen. Non, pourquoi est-ce que vous faites ça? Et donc, on voit ici encore une fois, aux chers frères, le grand mal qu'il y a dans le fait de dévier de la voie des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le grand mal qu'il y a dans l'innovation. Voilà pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit donc, après cela, il nous dit « فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنِ » Celui qui les combat par sa main, c'est le croyant, c'est un croyant. C'est-à-dire celui qui a une autorité, gouverneur ou alors professeur, un enseignant qui voit un enfant qui fait quelque chose de mauvais dans la classe. Il peut aussi blâmer par sa main. Attention, quand je dis blâmer par sa main, ça ne veut pas dire taper. Ça veut dire qu'il peut aller et récupérer la chose. Un enfant qui écoute de la musique pendant le cours, le professeur, il vient, il saisit l'objet et voilà, c'est terminé. Il n'est pas obligé de parler, de dire « Non, non, attention, arrête, s'il te plaît, etc. » Non, il vient, il prend l'objet et c'est fini. Et donc, celui qui les combat par sa main, c'est un croyant. Celui qui les combat par sa langue, c'est un croyant. Tu vas répliquer aux innovations. Tu vas expliquer aux gens que ce n'est pas correct. Et celui qui réplique par son cœur, c'est un croyant. Ici, on a ici, ô chers frères, les degrés qu'il y a dans le fait de reprocher le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi » Celui qui voit un mal alors qu'il le change par sa main, s'il n'a pas la capacité, « Fabilisanihi » alors par sa langue, et s'il n'a pas la capacité, alors par son cœur. Et ceci est le plus bas degré de la foi. Et donc, encore une fois, dans notre religion, tu ne restes pas comme ça là, à voir les gens dans le péché, dans l'innovation, et tu te tais. Non, il faut dire aux gens. Ah oui, après, il faut t'attendre aux réponses. Parce que les gens, lorsque tu leur dis « c'est pas bien », en général, ils ne restent pas silencieux. En général, les gens n'acceptent pas. Pour beaucoup, « illa man rahimahullah », sauf ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala, il fait miséricorde. Le hadith d'après, « An Jabir radiyallahu anhu, anna Umar radiyallahu anhu kol, ya Rasulallah, inna nasma'u ahaditha min yahoudin tu'jibuna, efetara an naktuba ba'daha. » Et donc, selon Jabir, que Umar radiyallahu anhu a dit, « Ô messager d'Allah, certes nous entendons des ahadiths venant des juifs qui nous surprennent, des ahadiths, des histoires qui nous plaisent. Vois-tu, est-ce qu'on les écrit ou est-ce qu'on écrit certaines de ces histoires ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a répondu en disant « Amutahawikuna antum » Est-ce que vous doutez? Est-ce que vous doutez ?« Kemetahawakatil yahudu wa nasara » Est-ce que vous doutez comme les juifs et les chrétiens ont douté ?« Lekodjitukum biha beida naqiyya » Certes, je suis venu à vous avec celle-ci. Donc, les preuves du Coran, de la Sunna, Beïda, blanche, Nakiya, pure. Vous n'avez pas besoin des juifs, des textes des juifs, ni des textes des chrétiens. Vous n'en avez pas besoin. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Walau kana Musa hayyan » Si Moussa, il était vivant, il n'aurait pu que me suivre. Rapporté par l'imam Ahmed. Ce hadith, on l'a déjà vu, aux chers frères. Et c'est un hadith qui montre que notre législation, elle est parfaite. Elle est complète. فَلِذَلِكَ مُوسَى إِنْ كَانَ حَيَّنْ مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَعِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Et c'est pour cela que Moussa, s'il était vivant, il n'aurait pu que suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que sa législation est complète. Tu ne peux rien y rajouter. Tu n'as qu'à suivre. Et donc, ô chers frères, fi hadha al-hadith aidan al-alaqa bil-bab, et donc le lien qu'il y a avec le chapitre, l'apprentissage de notre religion, c'est que tu dois faire attention à ce que tu apprends. Tu dois faire attention à ce que tu apprends. La science, c'est ce qu'il y a « Haddathana » dedans, les chaînes de transmission. « El-Kitab wa Sunna »« Wa Masi wa Zaka wa Swas ou Shayatin » Et tout ce qui est en dehors de cela, ce sont des insufflations du diable. Tu veux apprendre l'ilm, apprends le kitab wa sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec une sunna, une guidée claire. Pourquoi tu vas chercher ailleurs? Pourquoi est-ce que tu vas chercher ailleurs? Aujourd'hui, il y a un frère qui m'appelle. Ça me fait de la peine, franchement, ça me fait de la peine. Concernant notre situation. C'est bien, on veut le créer. On veut faire le bien. Ah oui, pour les chrétiens et tout, il faut leur montrer les arguments. Regarde tel passage de la Bible, etc., etc., etc. Et donc, on veut montrer aux chrétiens leurs égarements, mais on n'a pas encore appris notre religion. On n'a pas encore appris notre religion, Yajama. C'est dangereux. On a vu précédemment, les savants, ils ont dit, là, il y a Jews. Ils ont dit, c'est pas permis. C'est pas permis, c'est interdit que tu viennes, tu prennes ces livres-là, la Bible, etc., en prétendant que t'as pas fait talab al-ilm, t'as pas étudié. Pourquoi aujourd'hui tu veux faire ça? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu veux te lancer dans un combat sans armes? Tu n'as pas les armes. Pourquoi tu veux te lancer dans une bataille? Va apprendre. Va apprendre ta religion, une fois que tu connais la aqidah d'Ahl al-Sunna wal-Jama'a, Alhamdulillah, Bismillah. Mais pourquoi est-ce que les gens ils veulent comme ça? Ils veulent. Non, doucement, apprends et ensuite, vas-y. Et donc, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi, cher frère. Tu ne peux pas venir et lire dans ces livres et prendre des ambiguïtés comme ça en te croyant invincible. Quand on voit beaucoup de personnes qui se sont lancées dans les répliques sur les chrétiens, beaucoup... Ils n'ont pas la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'ah. Ils n'ont pas la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'ah. Ils n'ont pas une bonne croyance. Ils ne connaissent pas la croyance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Ils sont occupés à ça. On est occupés à ça. Je ne dis pas que c'est mauvais. Oui, il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent d'expliquer la vérité aux juifs et aux chrétiens. Mais avant de faire ça, il faut que tu t'occupes de toi-même déjà. Pourquoi tu veux t'occuper des autres alors que tu ne t'es pas occupé de ta propre personne? Et donc c'est important, cher frère, barakallahu fikoum, qu'on fasse attention à cela. Le dernier hadith qu'on voit aujourd'hui, inshallah ta'ala, an Abi Tha'labat al-Khushani, radiyallahu anhu marfou'an, donc selon le compagnon du prophète, Abu Tha'labat al-Khushani, radiyallahu anhu, donc la parole qui a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah farada fara'id. Certes, Allah a déterminé des obligations. Fala tudayyi'uha. Alors, ne les perdez pas. Donc, ne les délaissez pas. Wa hadda hududan. Fala ta'taduha. Et il a donné des limites. Ne les dépassez pas. Wa harrama ashya'. Fala tantahikuha. Il a interdit des choses. Ne les violez pas. وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَا رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَنَ. Et il s'est tu concernant certaines choses par miséricorde envers vous et pas par oubli. فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. Alors ne cherchez pas concernant ces choses-là. Et donc, il y a dans ce hadith, ô chers frères, donc, premièrement, le fait qu'on a déjà vu ce hadith aussi. C'est pour ça que je ne vais pas faire long dessus. On l'a déjà vu. Le fait que dans notre religion, on a donc les choses qui sont clairement interdites, les choses qui sont illicites, et nous avons autre chose, c'est quoi, Youssouf? Inna al-halal abiyin. Wa bainahuma, qu'est-ce qu'il y a bainahuma? Bainahuma mushtabihat. C'est quoi mushtabihat? C'est ce qui ne savent pas illicite ou illicite. Voilà, des choses ambiguës. Voilà, des choses ambiguës. Et donc, le fait de délaisser les choses ambiguës permet de délaisser, donc de ne pas tomber dans ce qui est interdit. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala a donné des limites et nous devons faire attention à ne pas dépasser ces limites qui nous ont été données, car cela est de l'injustice. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Celui qui dépasse les limites qu'Allah a données, a fait injustice à sa propre personne. Et donc, c'est important, mon cher frère, que nous respections les limites qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a données. Allah ta'ala, lorsqu'il interdit quelque chose, c'est pour notre bien. C'est pour ton bien qu'il a interdit le porc, qu'il a interdit l'alcool, etc. فَإِنَّهُ رِجْسٌ. C'est une impureté. Et donc, ne fais pas rentrer dans ton corps ce genre de choses. Moi, je suis choqué, moi, aujourd'hui, qu'on va voir des personnes qui s'affilient à l'islam, qui vont boire de l'alcool jour et nuit, et derrière, ils vont te dire « Ah non, mais moi, je prends pas le vaccin. » Tu dis « Pourquoi ?» Attention, moi, je vous dis tout de suite. Hein. Vous avez l'habitude. Moi, je dis pas « Tu prends, tu prends pas. » C'est pas mon travail. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette personne qui te dit « Moi, je ne prends pas le vaccin, je ne fais pas rentrer ça dans mon corps. Yeah, » frère, et l'alcool que tu mets dans ton corps? Et l'alcool que tu mets dans ton corps, tu en fais quoi? Et donc, c'est choquant. C'est aberrant. Voilà pourquoi, chers frères, vraiment, nous devons faire attention à respecter les limites qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordées. Et donc on continue, inshallah ta'ala, vendredi, bi'idnillah, waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan.